Thank you. This is a ghost song. Thank you. Everybody stop to play. Pa pa da pa pa pa pa. T'inquiète pas, j'en fais pas une maladie. Double B. J'imagine bien que j'ai pas été écoutée. Alors attends, je vais aller écouter. Mais j'imagine bien que la voix, il y a rien à comparer. Parce que je suis trop nulle. J'ai beau aller à l'école de musique. Et en plus, c'est un mec qui chante. Donc, c'est pas possible.